Oui, bonsoir Blockbuster, voilà, je vous appelle car je suis outré, je suis dégoûté, voilà, le dernier Blockbuster sur One Piece, sur la millième, eh bien, pas un seul message de répondeur téléphonique au début. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Que pensez-vous de la parole des auditeurs, quoi? Enfin, je ne comprends plus. J'appelais pour vous dire que voilà, peut-être que je vais arrêter d'écouter votre émission, peut-être que je vais arrêter d'appeler, ou peut-être pas. Allez, je vous embrasse quand même. Et bisous. Oui, bonjour Blockbuster. Je voulais vous remercier beaucoup pour l'émission sur One Piece. Je lisais les mangas avant, il fut un temps, mais après j'ai bifurqué plus tard, j'ai lu beaucoup plus de comics. Et c'est quelque chose qui est fou, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, les comics ne parlent plus trop à la jeunesse. C'est ce qui ressortait aussi de votre émission sur la vie du manga. Et on sentait bien que des mangas comme One Piece, aujourd'hui, parlent à toutes les générations, arrivent à créer des liens intergénérationnels. Et c'est quelque chose que je trouve assez, assez fascinant. Et je suis vraiment super content que grâce à vous, j'ai pu découvrir ça, parce que ben, c'est quelque chose aussi que je partage maintenant avec mes enfants qui lisent aussi One Piece. Et je voulais vous remercier voilà, pour tout ça et pour vos émissions. Salut! To be or not to be, not to be. Récapitulons. Harry Potter, c'est donc un gamin avec ses camarades de classe qui sauve le monde des sorciers et celui des moldus d'un magicien maléfique surpuissant. Le Seigneur des Anneaux, c'est une bande de jeunes hobbits qui doivent sauver la Terre du Milieu de l'incompétence de vieux magiciens et de rois corrompus. Spider-Man est encore au lycée quand il sauve New York du Bouffon Vert. Percy Jackson, Buffy Summers, Jon Snow, Arya Stark. C'est simple, passé 50 ans dans la pop culture, tu n'as plus le droit de sauver le monde. Alors je sais bien que la jeunesse est avant tout un marché à conquérir, donc il est important qu'elle ait des héros et des héroïnes auxquels s'identifier. Mais c'est surtout que l'on sait tous et toutes que passé un certain âge, un adulte ou un senior ne va pas se lancer dans une quête à pied dans le Mordor. Non, non, non. Il va privilégier une solution diplomatique avec Sauron, faire des accords bilatéraux et lui parler de temps en temps des droits de l'homme entre deux ventes d'armes pour ses trolls et ses Uruk-hai. Face à une fiction, des années de désillusion de réels politiques font qu'on ne croirait pas à la capacité d'un senior à lancer une révolution. Alors que la jeunesse, elle a encore cet optimisme de changer le monde. Mais étonnamment, cette jeunesse que l'on est habitué à voir se dépasser en film, dans le monde réel, elle est au mieux vue comme idéaliste, au pire vue comme feignante, elle lit les mauvais livres, aime les mauvais films, elle ne sait pas écrire. Et franchement, c'est pas sympa de faire payer aux jeunes le fait qu'ils aient toujours de meilleurs rôles dans les films. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Welcome, welcome, welcome. Happy Hunger Games. Joyeux Hunger Games. May the odds be ever in your favor. Puisse le sort vous être favorable. Primrose Everdeen. Je suis volontaire. Listen, écoute-moi. Tu es plus forte que les autres. Get to a ball. Trouve un arc. Ça fera la différence. Il n'y en aura peut-être pas. Il faut que tu leur montres de quoi t'es capable. In two weeks, dans deux semaines, 23 d'entre vous seront morts. One of you will un be seul alive. Survivra. If they don't have a ball, then you s'il n'y a pas d'arc, fabrique 101, tu sais comment chasser. Les animaux. Tribute. Tribute. We welcome you. Je vous souhaite la bienvenue. Nous saluons courage. Votre courage and your sacrifice. Et votre sacrifice. And we wish you nous vous souhaitons happy Hunger le joyeux Hunger Games. And may the et puisse le sort vous table. Être favorable. Squid Game, Battle Royale ou Running Man, autant de séries ou de films qui ont mis en scène de manière dystopique les méfaits d'une société du spectacle, mais aussi les dérives d'un système totalitaire. Mais rarement œuvre n'a abordé aussi frontalement le rapport de lutte des classes et même de révolution populaire qu'Hunger Games de Suzanne Collins. Une saga littéraire qui a bénéficié d'une adaptation cinématographique avec Jennifer Lawrence qui n'a fait qu'accentuer son succès mondial. Pour revenir sur ce blockbuster de la littérature young adult, c'est comme ça qu'on dit, j'ai avec moi Océane Zerbini, bonjour. Bonjour Fred, ravi d'avoir été volontaire pour venir. Mais oui, j'ai vu ça. Vous êtes fondatrice du podcast The Lemon Adaptation Club. Tout à fait. Avec nous, Eddie Chevalier, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes professeur agrégé d'anglais en classe prépa, littéraire, docteur en civilisation américaine et vous êtes l'auteur de Katniss Everdeen, Embraser son destin. Exactement. Avec nous également, Xavier Dalmeida, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de collection chez Pocket Jeunesse qui publie Hunger Games. C'est ça. Et enfin, Olivier Delcroix, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes écrivain, journaliste culturel au Figaro, auteur des super-héros au cinéma et également du cinéma d'action américain chez Obeck. Vous avez également publié les 100 personnages cultes de la bande dessinée aux éditions Le Figaro. Exactement. Ensemble, on va retourner aux racines de la saga, on va remonter aux sources des inspirations de Suzanne Collins, on s'attardera sur la figure de révolutionnaire qu'incarne Katniss Everdeen, ainsi que le régime politique et totalitaire de Panem. Allez, hop, c'est parti, le blockbuster Hunger Games est ouvert, que le sort vous soit favorable. La guerre, la terrible guerre, des veuves, des orphelins, de pauvres orphelins. Ce fut le soulèvement qui ébranla notre terre. 13 districts qui ont osé se rebeller contre le pays qui les nourrissait, qui les aimait, qui les protégeait. Frères contre frères, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis enfin vint la paix, durement obtenue, lentement acquise. Le peuple se releva de ses cendres et une nouvelle ère vit le jour. Seulement la liberté a un prix. Quand les traîtres ont été vaincus, nous nous sommes jurés en tant que nation que nous ne connaîtrions plus jamais de trahison. Et il a été décrété que chaque année, les différents districts de Panem offriraient en tribut un jeune homme et une jeune fille pour un combat à mort dans une épreuve exigeant honneur, courage et sacrifice. L'unique vainqueur, couvert de richesses, rappellera à tous à quel point nous sommes généreux et cléments. Ainsi nous nous remémorons notre passé, ainsi nous sauvegardons notre avenir. Oh oui, j'adore ça! Xavier Dalmeida, comment est né Hunger Games? Comment est né Hunger Games? En fait, c'est Suzanne Collins qui raconte ça, elle qui est très secrète, hein, elle raconte assez peu de choses sur elle. Elle zappait sur la télé, et puis elle a vu des infos sur la guerre en Afghanistan, et en Irak, et en même temps, une émission de télé de réalité sur une autre chaîne, et ça a commencé à fusionner dans son cerveau. Elle s'est imaginé tout de suite un monde, et puis elle s'est inspirée de la mythologie, etc., et c'est ce qui a créé l'œuvre. Après, qu'est-ce qui a fait que... Comment est né Hunger Games en France? Là, c'est très différent, nous, c'est... un achat de licence en fait, sauf qu'à l'époque on était les premiers et c'est très étonnant comme histoire, mais moi je me baladais à New York, j'allais voir des agents, on m'a passé le manuscrit, j'avais pris tous les manuscrits que je pouvais que tous les agents m'avaient donné, et puis celui-là c'était le premier sur la pile, je l'ai lu dans la nuit, puis on a fait une offre très faible parce que personne n'avait entendu parler de ça, les Américains venaient de l'acheter et donc on savait pas du tout ce qu'on avait entre les mains. On sentait qu'il y avait quelque chose de fort. Et là, tout d'un coup, il y a vos supérieurs qui m'ont dit « Tu retournes à New York quand tu veux. » C'était à Londres, en plus. C'était à Londres, étonnamment. Mais et puis, il a fallu convaincre et puis savoir ce qu'on avait entre les mains, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre comme ça, avec cette violence. Et Olivier Delcroix, qu'est-ce que ça raconte, Hunger Games, pour résumer à quelqu'un qui n'aurait jamais lu ou ni même vu un des quatre films? Mais d'abord, effectivement, ça se situe dans une Amérique post-apocalyptique qui s'est reconstituée autour d'une capitale qui s'appelle Capitole. Donc c'est une société qui se définit par le mot Panem, et donc le Panem en fait organise chaque année des jeux. Et bien évidemment, on sélectionne sur les 13 districts de Panem un garçon, une fille, ça fait 24 candidats qui vont dans une forêt sous bulle s'entretuer méthodiquement jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un qui sera couvert d'or et d'argent, et tout cela pour remémorer bien évidemment une rébellion il y a quelques 64 ans je crois qui a fait passer cette Amérique post-apocalyptique par des jours obscurs, et donc voilà, le président Snow organise ces jeux avec cette espèce de de volonté d'ailleurs bienveillante de pouvoir raconter le passé tel qu'il l'a réécrit, et ça nous donne quelque chose d'assez stalinien et d'assez dictatorial, déguisé effectivement sous un aspect très moderne, très futuriste, qui est l'idée d'utiliser la télévision, les jeux télévisés pour que tout le monde regarde. Et donc voilà, c'est quelque chose d'assez c'est l'anticipation dans ce qu'elle a de plus formidable, c'est-à-dire en fait pouvoir déplacer un sujet extrêmement dérangeant, c'est-à-dire en fait voir des enfants s'entretuer. Dans un futur, dans une dystopie, et pouvoir comme ça pousser les spectateurs à s'interroger et pousser les spectateurs à la réflexion par rapport à ce que c'est qu'une dictature. Eddie Chevalier, Suzanne Collins disait pour l'écriture de ce livre s'être inspirée de Thésée et du Minotaure, et notamment justement tout ce qui concerne le tribut de ces jeunes qui avaient été envoyés dans le labyrinthe du Minotaure également. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de liens à faire avec la mythologie grecque dans Hunger Games ? Oui. Ce qui se passe, c'est que on pense que c'est de l'anticipation, mais en fait, c'est de la science-fiction nourrie d'antiquité. C'est une saga qui est extrêmement paradoxale parce qu'on y parle d'amour sans amourette. C'est sur la guerre, et pourtant on a une héroïne pacifiste. Et pour répondre à la question, la mythologie va façonner véritablement ce personnage et cet univers. On peut penser à plein de choses. Vous l'avez dit, c'est le mythe de Thésée, c'est-à-dire que on va choisir des jeunes gens et on va les sacrifier avec le monstre, le Minotaure. Mais c'est aussi Katniss, on peut le penser comme ça, c'est-à-dire que ce serait la réincarnation d'Artémis. Artémis avec son arc, justement. Exactement, alors on peut simplement dire elle a un arc, donc c'est Artémis. C'est peut-être plus compliqué que ça, dans le sens que Artémis est aussi un grand paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, je vais guider, je vais éclairer, Artémis est l'éclaireuse, mais aussi j'ai une dureté prédatrice. Donc elle est dans le care, c'est ça qu'on dirait aujourd'hui, et c'est ce qui se passe avec, par exemple, la petite roue, qui perdra la vie malheureusement, et Artémis, donc, qui est claire, mais qui en même temps est impitoyable. Et aussi, le Capitole, c'est une des sept collines de Rome, le fonctionnement politique de Panem, le nom latin de Panem, qui veut dire le pain, bien sûr, parce que Hunger Games, avant tout, c'est la fin, Katniss. Oui, parce qu'il y a quand même une condition sociale extrêmement précaire chez tous les habitants de Panem. La majeure partie, pas tous, mais la majeure partie des districts sont mal nutris. Chaque district a sa spécificité et son moyen de production. Le district de Katniss, c'est le charbon, avec les coups de grisou et tout ce que ça implique. Donc il y a vraiment cette idée de nourriture. Derrière ces jeux, il y a un moyen de contrôle très très fort de la part du Capitole. Bien sûr, les Hunger Games, c'est un spectacle absolument terrifiant, une barbarie incroyable, mais c'est aussi un rappel de la part du système politique, et c'est une leçon humiliante en disant, regardez, nous vous contrôlons, regardez, il va falloir maintenant bien se tenir à carreau, et regardez, bien évidemment, puisque c'est live, c'est à la télévision. Et c'est vrai que c'est une question de contrôle, et vous le disiez, la fin, c'est le point de départ de tout. C'est aussi une grande saga sur la lutte des classes. Et une des scènes les plus emblématiques, c'est Katniss qui n'a absolument rien à manger, sachant que, vous l'avez dit, son père a été pulvérisé par un coup de grisou, donc elle doit s'occuper de cette famille, puisque sa mère est prostrée, on ne voit plus rien dans ses yeux, et elle doit s'occuper, Katniss, de sa petite sœur, Primrose, 12 ans. Et voilà, Peeta, qui s'appelle Peeta, bien évidemment, pas par hasard, puisque Peeta, c'est le pain, et lui, il est fils de boulanger, et ce pain carbonisé, au lieu de le donner au cochon, on le donne. Et c'est vrai que c'est très très intéressant, parce que vous parliez d'antiquité, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a aussi d'autres choses, parce que c'est sursaturé de symboles. Cet épisode où on jette du pain sous la pluie, c'est Victor Hugo, c'est Dickens aussi, et tout ça se mélange et devient très très fort. Et vous parliez de la figure de Katniss Everdeen en disant qu'il y avait une analogie qui pouvait se faire directement avec Artemis. Et dans la mythologie grecque, Artemis est une des rares déesses à incarner différentes facettes en fonction de la lune, à la fois Sélénée, Hécate, etc., qui sont différents visages de la femme à différents moments, etc. Et est-ce que Katniss Everdeen, en relisant le livre pour préparer cette émission, ce qui m'a frappé, c'est à quel point, en fait, on a l'impression que on la devine, alors que pourtant c'est elle qui raconte l'histoire, on la devine plus qu'on ne la connaît. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'elle est toujours l'objet d'une manipulation de sex machina qui est toujours... voilà, on n'a pas l'impression qu'elle existe réellement, mais qu'elle est plus en réaction à un environnement qu'un véritable sujet moteur. C'est très vrai ce que vous dites, parce qu'elle dit « je », donc il y a un vrai refus de l'omniscience. Hein, c'est, faut pas oublier que c'est un livre, donc ça passe par des constructions narratologiques, c'est-à-dire est-ce qu'on va dire « je », est-ce que quelqu'un va raconter. Et même si on a son « je », c'est vrai que c'est très élusif, parce qu'on se dit « mais qui est-elle » Est-ce que vous dites « pourquoi Artemis ?» On pourrait dire « bon ben voilà, elle est dans la forêt, elle s'occupe des fans, et en même temps elle tue des lynx, la voilà Artemis ». C'est pas ça. Artemis aussi, si on est un petit peu féru de mythologie, si on regarde tout ce qui a pu se dire, s'écrire, se peindre se construire mentalement autour d'Artémis et de sa mythologie, il existe ce qu'on appelle, attention, mot compliqué, épiclèse. Les épiclèses, c'est l'adjectif qu'on met à côté des divinités. Et on peut donc faire le portrait d'une divinité à l'aune de ces épiclèses. Voilà, ça y est, c'est dit. Et donc, ces épiclèses sont un petit peu contradictoires, dans le sens où c'est que Artémis, elle s'occupe des marécages, elle s'occupe de l'initiation, elle s'occupe des étangs, c'est toujours quelque chose qui est de l'ordre de la frontière, attention, deuxième mot compliqué, les eschatiai en grec, c'est-à-dire tout ce qui est le confin du monde. Elle est au district 12, bon en fait on verra, il y en a 13. Mais elle est au bout du bout, et en plus c'est pas simplement, elle est dans le 12e, elle est à la toute fin du 12e, s'appelle la veine, the seam en anglais, qui veut dire la couture, donc une sorte de suture territoriale. Et Artemis, pour revenir à votre question, c'est qu'Artemis a mille visages. Et Artemis, c'est pas simplement Artemis. Déjà, elle est vierge, ce qui est extrêmement rare dans la mythologie. Bon, Katniss ne le sera plus à la fin, puisqu'elle aura des enfants, mais il y a quand même une vraie résistance avec deux prétendants, et c'est j'ai d'autres choses à faire que de vous embrasser, les gars, parce que moi, j'ai une révolution à faire. Et c'est ça aussi qui se passe avec Artemis et tous ses visages et toute cette force. Et peut-être que pour conclure là-dessus, ce que vous dites en disant « mais qui est-elle cette Katniss ?» C'est très vrai, déjà quand on dit « je », on ne dit jamais tout, quand on dit « je », on ment bien évidemment, mais aussi une femme qui ne se définit pas par son rapport aux hommes et qui se définit en même temps par sa force et sa vulnérabilité, pour nous c'est insaisissable. Océane Zerbini, qu'est-ce qui explique le succès de la saga Hunger Games? Parce que il y a évidemment énormément de sagas populaires dans la littérature young adults. Juste avant Hunger Games, on avait eu droit à Twilight. Voilà, mais j'ai vraiment l'impression que Hunger Games, même s'il est codifié dans ce genre, il a très vite su s'affranchir et devenir un véritable monument à part entière. J'ai l'impression que la saga reprend pas mal de tropes de tout ce qui est roman de young adulte, c'est-à-dire beaucoup de... Alors les tropes, n'oubliez pas nos auditeurs. Alors les tropes, ce sont des éléments de récit qui sont assez habituels. Par exemple, un des tropes qu'on pourrait dire, c'est le triangle amoureux, notamment. Aussi, c'est des schémas répétitifs, des modèles qui se répètent d'œuvre en œuvre. Et on a aussi la présence de clans. Donc ici, on a les districts. Dans Twilight, on a le clan de vampires, le clan de loups-garous. Dans Divergente, on a les quatre catégories de la population. Et à la fois, donc l'œuvre reprend pas mal de tropes justement très connues, et en même temps, il injecte des thématiques assez inédites. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, quand j'ai découvert Hunger Games, c'était la première fois que je voyais vraiment une dystopie pareille, mais pas pour les adultes, pour des adolescents et des gens de mon âge. Je pense que si la proximité de l'âge qu'avait le public de Hunger Games avec Katniss, qui a 17 ans quand on commence Hunger Games, a pu jouer, puisque à la fois elle est prise dans un engrenage qui la dépasse, et en même temps elle a quand même des problématiques très adolescente, avec ses sentiments pour son meilleur ami mais pour l'autre prétendant, le fait de devoir gérer sa famille, de devoir être dans un régime assez, assez oppressif, mine de rien. Et je pense que l'ensemble fait que la lecture se révèle assez ludique. Pas ludique dans le sens où on s'amuse à lire des enfants qui meurent, mais dans le sens où Suzanne Collins, à la base, elle est scénariste. Et pour la télévision, pour Nickelodeon, si je dis pas de bêtises, sur les dessins animés. Et le fait est qu'elle arrive à injecter un rythme à Hunger Games qui fait qu'on ne s'ennuie pas. C'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un page-turner, c'est-à-dire qu'on tourne les pages au point où on oublie de descendre à son bon arrêt de métro, comme ça a pu m'arriver quand j'ai lu le deuxième bouquin. Et elle a un sens du rythme, elle a un sens de la caractérisation des personnages aussi, qui est à la fois très simple et en même temps très efficace, puisqu'il coche toutes les cases qu'il faudrait cocher d'emblée. Et je pense qu'en fait, c'est juste une efficacité narrative de caractérisation et aussi d'univers qu'elle a réussi à créer. À mon sens, c'était un bingo. Et justement, Océane, pour aller dans votre sens, le fait qu'elle ait travaillé pour l'animation et donc dans des œuvres destinées au jeune public, j'ai trouvé beaucoup de similitudes dans la structure, alors que pourtant on est face à un roman, avec l'univers du manga, c'est-à-dire où on présente un environnement très très sombre avec des enfants qui sont plutôt aux antipodes de ça et qui vont devoir surmonter différentes épreuves et on les prend jamais pour des abrutis, c'est-à-dire que c'est des enfants certes, mais ils vivent quelque chose de terrible en fait. Et surtout on a aussi ce poids de Katniss, c'est un peu l'élu aussi d'Hunger Games, elle le devient malgré elle, c'est un peu comme Harry Potter. C'est un peu comme Triss, c'est comme beaucoup de personnages aussi qui deviennent un peu malgré eux cet espoir. Et là où certaines œuvres n'arrivent pas forcément à bien traiter ce que c'est que d'être l'élu, d'avoir ce poids, d'être le sauveur de quelque chose, Katniss, on ressent pour le coup, c'est pas forcément de la projection qu'on fait sur elle, mais on est vraiment à l'intérieur d'elle en se disant mais j'ai rien à voir avec ça, juste laissez-moi tranquille, je veux retrouver ma sœur. Elle se concentre toujours plus sur l'humain que sur le plan beaucoup plus grand qu'on voudrait lui attribuer. La tapisserie globale. Exactement. Hunger Games n'est pas ce qu'on pourrait appeler une comédie, donc la chanson tirée du film n'est pas non plus une chanson où on va faire tourner les serviettes. On écoute The Hanging Tree, tirée du dernier Hunger Games, Was a Mocker, par James Newton Howard et interprétée par Jennifer Lawrence. Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a dead man called out for his love to flee? Strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you come into the tree where a necklace of hope side by side with me. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Are they strung up a man? They say we're running free. Strange things have happened here. Stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree? Are you coming to the tree? Oh, Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. Claudius, I think those are tracker jackets. Claudius, ce sont les captueuses, si je ne m'abuse. Those things are very lethal. Oui, elles sont très dangereuses. Oui, très. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ces créatures, elles ont été créées génétiquement en labo. Et leur venin provoque des douleurs insoutenables et de puissantes hallucinations qui, dans les cas extrêmes, peuvent entraîner la mort. Xavier Dalméda, en quoi Hunger Games parle de notre époque ? Ben, déjà tout de suite, cette histoire d'oppression par la télé-réalité me semble assez parlante, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on oblige les gens, à, pour se souvenir d'une révolte qu'on a écrasée, à regarder les enfants se faire massacrer, ses propres enfants se faire massacrer. Donc cette obligation de regarder une télé-réalité, c'est évidemment ce qu'on disait tout à l'heure sur l'anticipation. On imagine la télé-réalité poussée à son paroxysme dans ce qu'elle pourrait avoir de pire. Donc ça parle de notre époque pour ça, parce que on a cette présence forte de la télé dans le quotidien. Après, ça parle de notre époque sur la lutte des classes, l'écrasement d'un peuple par un pouvoir central extrêmement puissant, donc qu'on peut voir dans le monde entier. Qui n'hésite pas effectivement à réécrire l'histoire comme ça. Exactement, qui n'hésite pas à réécrire l'histoire, et on le découvre d'ailleurs dans le dernier tome qui est sorti plusieurs années plus tard, un préquel qui raconte la jeunesse de Snow, et qui nous apprend beaucoup de choses sur le fameux district 13 qui a été écrasé et dont on a complètement effacé l'existence. Donc la réécriture de l'histoire par un pouvoir oppresseur, c'est quelque chose qu'on voit autour de nous, et je pense que toutes ces allusions à l'époque contemporaine ont fait écho à ce qu'entendaient les adolescents au moment où le livre est sorti. Et c'est devenu un phénomène aussi pour ça, évidemment. Je pense que ça a dépassé la case, entre guillemets, littérature adolescente, pour parler à des adultes jeunes, pas seulement des young adultes, des jeunes adultes. Ça a vraiment... nous, on a été impressionnés par le spectre des lecteurs. C'est-à-dire qu'on avait des lecteurs de 11 ans comme de 45, et c'était très très impressionnant. C'est la première fois que je voyais ça, et je pense que c'est pour ça ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ça parle vraiment de notre époque. Et justement, par rapport à ce que je disais dans l'édito, comment on explique la différence d'image qu'a la jeunesse dans les romans, dans les films, etc., et la manière dont on parle de la jeunesse dans le réel? C'est-à-dire que dans la pop culture, ça semble évident que le salut viendra de la jeunesse, alors que on entend piquer prendre. En fait, il suffit de voir la façon dont la littérature jeunesse, par exemple, est considérée. C'est-à-dire qu'on en parle de temps en temps à Noël. Il y a des très grandes émissions de télé qui, pour leur première émission sur la littérature jeunesse, ont mis des bouquins comme Hunger Games. Enfin, c'était pas Hunger Games, mais l'équivalent, dans un bac à sable, en images. Donc, on a une façon de se représenter ce que lisent les ados. Moi, combien de fois ça m'arrive en tant qu'éditeur ? Horrible, d'ailleurs. C'est ça. Combien de fois ça m'arrive en tant qu'éditeur, et alors que je ne quitterai pas le monde de la littérature jeunesse, je pense, on me dit mais quand est-ce que tu vas enfin publier de la littérature ? À des auteurs, on leur dit ça aussi. Mais quand est-ce que tu vas enfin écrire un roman, alors qu'ils écrivent des romans jeunesse depuis très longtemps? C'est le même problème pour la bande dessinée. Exactement pareil pour la bande dessinée. Et donc on se retrouve avec une pop culture extrêmement forte qu'on méprise, en fait. Et je sais pas pourquoi il y a ce regard sur la jeunesse. Sans doute un monde qui veut pas laisser la place, ou qui veut pas accepter de faire intervenir la jeunesse dans son processus de décision, de réflexion sur que va devenir la planète demain, qu'on va-t-on devenir. Mais c'est très révélateur, en tout cas, dans la façon dont on traite cette pop culture et cette littérature. C'est hyper impressionnant, parfois blessant, et puis finalement on se dit tant pis pour eux, quoi. Oui. Mais moi je vois une force incroyable dans je suis parti beaucoup à des clubs ados, des clubs de lecture, etc. Il y a une force incroyable, un élan, gens, ouais. comme Océane, plein de gens qui ont compris, en fait. On n'a pas besoin de leur expliquer en quoi ils lisent leur monde. Au moment où ils lisent Hunger Games, ils ont tout compris. Ils ont tout compris tout de suite. C'est ça. Et nous, on est là un peu à leur imposer des choses, et ils ont pas du tout envie. Et d'ailleurs, quand on fait des dédicaces, par exemple, d'auteurs connus en littérature young adulte français, ils viennent pas tellement, les ados. Enfin, ils viennent pour les très grands noms dans les grands salons, mais sinon, ils viennent pas tellement parce qu'en fait, c'est leur monde à eux. Et ce qui les est plein d'adultes, c'est le voyage, voilà. Pas forcément qui est derrière. Ouais, qui est derrière, ou qu'on t'impose une vision d'adulte sur ce que t'as très bien compris en le lisant. Et je pense qu'il faut faire confiance aux lecteurs adolescents. Il faut vraiment les écouter et puis leur faire confiance. Ils sont tout à fait capables de d'analyser, de comprendre tout ça. Alors, question plus pragmatique et matérialiste, Hunger Games, en termes de vente, ça représente quoi? Bah là, j'ai reçu un SMS là, avec les chiffres, parce que j'étais pas sûr. En fait, là, nous, on a 2 700 000 exemplaires vendus en comptant les 4 tomes, sachant que le dernier, qui n'existe qu'en grand format, est à 166 000, je crois. Mais ce qui est surtout très impressionnant, c'est que la trilogie est sortie en poche. On avait tenté un pari, on avait sorti les 3 d'un coup. Et on continue de recruter, c'est-à-dire qu'on vend tous les mois entre 800 et 1000 de chaque tome, ce qui est le seul livre, en tout cas chez moi, qui fonctionne comme ça. Sinon, je pense que le seul autre, c'est Harry Potter. Et c'est là qu'on voit que c'est devenu un phénomène de société. Nous, au départ, ça n'a pas très bien marché tout de suite. On était le premier pays à le publier quasiment après les Américains. C'est le film qui a déclenché... Ça a commencé avant. C'est-à-dire qu'il y a eu un emballement aux États-Unis, donc on a commencé à faire... Le livre est devenu un vrai succès de librairie. Mais quand le film est sorti, c'est devenu un phénomène. C'est-à-dire un phénomène mondial, global. Et là, ça a tout changé. C'est-à-dire que là, on passe, dans ces moments-là, de 80 000 exemplaires, 100 000 exemplaires, ce qui est déjà énorme, au million. Et là, c'est complètement délirant. Et ça nous échappe. Le livre nous échappe, quoi. Oui. Et j'ai une question, parce qu'on a parlé du passé de Suzanne Collins, qu'elle a travaillé dans l'animation. Mais qui est cette femme? D'où vient-elle? Parce que j'ai cherché plein de choses, c'est un mystère. C'est un mystère. Nous-mêmes, on n'arrive pas à l'approcher. On entend des choses par son agent, qui est la seule personne qui la rencontre. Elle ne donne pas d'interview, elle n'intervient pas, elle ne vient pas dans des salons, jamais. Elle a écrit une autre série qui n'a pas très très bien marché, Gregor the Overlander, qui est sortie en France, mais qui n'est plus exploitée, je crois. On sait juste qu'elle a été très très marquée par le retour de son père du Vietnam. Elle a fait un album d'ailleurs dessus. C'est quelqu'un qui, je pense, est extrêmement sensible et qui se protège énormément. Donc je pourrais pas vous éclairer. Je n'ai malheureusement pas pu la rencontrer. Mais en fait, ça fait partie de la légende. Ah, ça, c'est sûr. Une autrice discrète qui n'a pas des déclarations qui enflamment Twitter à longueur. Ça fait du bien. Tellement pas habitué. C'est rafraîchissant. Ah ouais, elle est formidable. Moi je voudrais bien faire un peu de hors-piste, pardon. Mais faites du hors-piste, allez-y. Parce que je suis encore sous le choc de ce qu'on vient d'entendre par rapport à cette mélodie que vous nous avez fait entendre. Et je trouve que en analysant cette mélodie un peu entêtante qui commence comme une ritournelle et qui progressivement, par sa scansion répétitive, qui rappelle un peu l'esclavage, rappelle un peu le blues, avec une espèce de montée chorale qui tout d'un coup nous emmène vers un péplum à la Spartacus façon Kubrick, jusqu'à atteindre une espèce d'ampleur révolutionnaire. Oui. On est vraiment dans la je dirais le syncrétisme d'Hunger Games. On est vraiment dans le mélange des genres, dans tout ce qu'il y a de plus. Et c'est d'ailleurs un élément narratif et cinématographique qui a été utilisé également dans le troisième volet de Pirates des Caraïbes, sur la scène d'ouverture, et aussi le même genre de chant populaire qui est repris comme ça, et qui en fait annonce, dans un film comme dans l'autre, un sentiment de révolution qui couve et qui monte, qui est porté par cette je trouve que James Newton Howard, avec la voix un peu cassée, très belle, très très charismatique de Jennifer Lawrence, je trouve que ce morceau-là, tout d'un coup, il vous plonge dans quelque chose, ce qui prouve bien que la saga Hunger Games, elle est forte, elle va rester, ne serait-ce que parce que James Newton Howard, avec cette espèce de mélodie, ce ritournelle entêtante qui devient une espèce d'appel à la révolution, un chant révolutionnaire. C'est extraordinaire. Ça, c'est toute la puissance aussi du cinéma, quand elle s'empare d'une saga avec du fond pour ensuite l'amener vers le grand écran et vers le grand public. Tu veux vraiment savoir comment rester en vie? You get people to like you. Arrange-toi pour que le public t'adore. Oh, not what you were expecting. Tu t'attendais pas à ça, hein? Oh, you're in the middle of the game. Quand on est au milieu de la partie et qu'on meurt de faim ou qu'on meurt de froid, un peu d'eau, un couteau, même quelques allumettes, ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Et ces choses ne te seront offertes que par les sponsors. Et pour avoir des sponsors, il faut t'arranger pour que le public t'aime. Vous venez d'entendre Hamish Abernathy, ou Abernathy, voilà, que les amateurs d'anglais m'excusent, hein, vous me connaissez, interprété dans le film par Woody Harrelson et doublé par Jérôme Powell ou Powell, je ne sais pas si vous le connaissez, et ben, qui m'appelle pour me dire si c'est Powell ou Powell. Voilà. Alors, question suivante concernant Hunger Games. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui différencie Hunger Games d'œuvres telles que Battle Royale ou Running Man ou même Le Prix du Danger, Olivier Delcroix, parce que on a souvent dit ça de Hunger Games, oui, qu'il y avait beaucoup de similitudes. C'est vrai qu'il y a énormément de similitudes. C'est sûr que là, pour le coup, ayant revisionné le Prix du Danger de Boisset il y a quelques semaines, j'ai été très marqué par effectivement les similitudes, les ressemblances entre Le Prix du Danger qui est sorti en 82, 83, et Boisset justement, lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il dénonçait à travers un personnage joué par Gérard Lanvin, et puis un espèce de présentateur incarné par Piccoli, qui était formidable, incroyable, glaçant. Michel Piccoli était absolument génial, glaçant effectivement, le terme est juste, et qui en fait dénonçait le cynisme de l'industrie du divertissement, qui effectivement était au service d'un pouvoir autoritaire, voire totalitaire. Et c'est vrai qu'en regardant Le Prix du Danger, je trouve que Le Prix du Danger maintient une vraie qualité, notamment sur ses scènes d'action. Le début est assez fort pour un film des années 80. C'est quand même assez réussi. Il y a une vision, il y a quelque chose derrière ce que dit Boisset, qui est très fort, qui est d'ailleurs totalement en connexion avec ce que l'on vit, nous, avec l'explosion des réseaux sociaux. Le fait de cette télé-réalité qui nous maintient sous le boisseau, maintient les gens dans une espèce d'addiction au show, au spectacle, à la civilisation, l'homo festivus, comme dirait le philosophe Philippe Muret. Je suis désolé, on est dans cette espèce de philosophie. C'est du Philippe Muret en film. Et ce que je trouve intéressant avec Le Prix du Danger, tout comme Hunger Games, c'est que il nous montre, contrairement à d'autres dystopies, que le totalitarisme peut totalement marcher main dans la main avec une société du spectacle. Exactement, dans lequel, ouais, on prend du plaisir, même en étant soumis. C'est à cette puissance-là, c'est la soumission dans le plaisir. Voilà, on vous donne, c'est du pain et des jeux. Hein, on revient aux racines, comme le disait tout à l'heure Eddie, qui le disait très très bien. Eddie Chevalier, Olivier Delcroix. Voilà, enchanté. Et merci pour les compliments, très gentil. Non, mais c'est vrai. C'était clair, c'était fort, c'était bien, c'était exactement ça. Cette idée que finalement, dans la mythologie grecque, on n'a rien inventé, et toutes ces années plus tard, on en est toujours là. On en est toujours là, à cette idée de voir du pain et des jeux pour maintenir un peuple sous le joug d'une espèce de domination liée, effectivement, au plaisir et à cette volonté. Et c'est ce que faisait déjà Yves Boisset en 82 avec Le Prix du Danger. Ensuite, effectivement, Paul Michael Glaser en tirera un autre film avec Schwarzenegger qui s'appelle Running Man. Mais c'est la même idée. Et puis, quelque part, on peut aussi voir ça... On peut aller jusqu'à Squid Game. Hein. Oui, voilà, on peut aller jusqu'à Squid Game en passant par Battle Royale. Oui, ça, c'est évident. Quelque part aussi, je pense que tout ça nous ramène à cette idée quand même que finalement, nous sommes transformés en gibier humain. C'est une idée qui remonte à 32. C'est une idée qui remonte aux chasses du comte Zaroff. C'est un des premiers quand même. C'est leur ancêtre à tous. C'est l'idée que voilà, les chasses du comte Zaroff. On est dans une forêt. On est le chasseur de. Et puis progressivement, c'est ça qui fait aussi l'espèce de. C'est même aussi la création du slasher, ce genre exactement, de cinéma du exactement. Film d'horreur américain, c'est pas un hasard si c'est souvent des familles inique du Texas qui massacre de jeunes adolescents, voilà. Et que ça arrive au moment où justement les soldats américains sont en train de se faire massacrer soit au Vietnam, soit en Afghanistan, soit en Irak. C'est la même thématique qui est d'ailleurs aussi développée dans Rollerball. Oui. Hein, qui est un film d'une violence incroyable. C'est tout d'ailleurs tout l'enjeu en fait de la saga Hunger Games, qui d'ailleurs dans son lancement cinématographique avec un plan média marketing extrêmement viral, puisque c'était la première fois. Oui, ils faisaient un transmédia et ils ont occulté totalement la violence. Alors que c'était au centre même de la saga, à la fois de Susan Collins et à la fois au centre du film de Gary Ross, puis ensuite des trois autres de Francis Lawrence, la violence, terrible des enfants en train de s'entretuer. Et ben cette violence, ils l'ont complètement occultée pas complètement, bah, mais... Je trouve que Gary Ross... Je trouve que sur le premier, Gary Ross, en fait, sa caméra bouge trop. Et ça donne une impression de chaos, puisque c'est aussi le chaos. Ouais. C'est la Steadicam, effectivement. Oui. Mais justement, la Steadicam met un peu hors champ toute la violence, là où je trouve que Francis Lawrence arrive à la montrer de manière plus frontale. Et c'est pour ça qu'en fait, je trouve que le premier est peut-être plus faible que les autres, parce qu'on sent qu'il est encore trop timide vis-à-vis de ce qu'il peut montrer, et qu'il a fallu probablement le succès du premier pour que Lionsgate, qui a produit les films, puisse se dire... On peut s'autoriser à montrer plus de violence. Oui. Oui, on est passé de 80 millions. Ouais. Ouais. Mais on sent clairement que sans le succès du premier film, ça serait sûrement resté, alors pas sage, parce que ça reste quand même très violent, ne serait-ce que psychologiquement à regarder, hein, c'est vraiment pas un feel-good movie à regarder à Noël, mais on sent qu'ils ont pu passer un cap, et c'est pour ça que pour moi, Catching Fire, donc le deuxième film, est le meilleur, parce que c'est celui qui arrive le mieux à retranscrire la violence, en même temps que cette arène en forme d'horloge, que je le trouve vraiment incroyable. Et clairement, c'est pour ça que le premier, j'arrive pas à me dire que c'est un Hunger Games. Je le trouve vraiment très à part stylistiquement et dans la manière dont les thématiques sont abordées. Et alors, il y a une autre saga qui n'a pas eu les honneurs du grand écran, mais que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, et que je trouve qui réagit comme une sorte de série presque sœur ou miroir à Hunger Games, c'est La Servante Écarlate. Série où, avec laquelle je trouve il y a de nombreux points communs, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire que Hunger Games et la version adolescente s'occupe du public adolescent dans le même univers que La Servante Écarlate. Et en fait, ces deux visions des États-Unis, sincèrement, mais qu'est-ce que ça nous dit des États-Unis aujourd'hui en fait ? Ce qui est amusant, c'est qu'effectivement dans Hunger Games, la violence elle est présente à l'écran. Elle est voulue, elle est assumée, elle est quasiment presque joyeuse. Elle est secrétement par nos envies de voilà, c'est Eros et Thanatos quand même, Hunger Games. Alors que La Servante Écarlate, tout est contenu, tout est secret, tout est caché. Il y a absolument pas de glorification de la violence. Au contraire, tout est caché, tout est sous le tapis. C'est ça aussi la différence, c'est qu'effectivement on est sous quelque chose, une violence souterraine dans La Servante Écarlate, alors que sur Hunger Games on est sur une violence glorifiée, télévisée. Oui, c'est ça la différence entre toutes les séries dont on a parlé et Hunger Games, c'est qu'un Hunger Games, tout le monde doit, est obligé de regarder, oui. Alors que dans Squid Games, c'est quelques nantis qui vont observer, dans Battle Royale, la même chose, et tout ça, comme vous dites, c'est souterrain, alors que dans Hunger Games, la violence, elle est pour tout le monde. En plein jour. C'est en plein jour et dans la nature. Ça change tout, en fait. C'est pour ça qu'en fait, effectivement, cette héroïne, Katniss Everdeen, qui a un charme animal incroyable, qui est jouée par Jennifer Lawrence avec beaucoup d'instinct. Et on a senti, Olivier Delcroix, que vraiment, j'aime Jennifer Lawrence. Effectivement. Et j'aime ce côté Robin des Bois en jupon, ce côté Jeanne d'Arc futuriste. Quoi. C'est vrai que c'est quelque chose. Elle vous emmène. Elle vous emmène ailleurs. Elle est avec son flambeau. Elle est là et elle explose de cette énergie. Alors qu'effectivement, dans La Servante Écarlate, on est plus sur la retenue, plus sur le secret. La question de la violence était intéressante au début quand on l'a publié, parce qu'on s'est même posé la question, face à cette violence, comme il n'y en avait pas dans d'autres romans adolescents vraiment aussi présentes, de le publier en adulte. On s'est posé cette question. Et d'ailleurs, quand on a publié le livre, on a reçu des courriers hyper vindicatifs, évidemment d'adultes. Hein. Oui. qui justement pensaient que les ados pouvaient pas comprendre que cette violence... Enfin, c'est à peu près les mêmes réflexions qu'on a eues à des fois avec les jeux vidéo. Oui. Vous allez les obliger, ils vont se tuer entre eux dans la cour de récré, etc. suite à Hunger Games, quoi. Mais des trucs hyper hyper agressifs. Et justement, sur le traitement de cette violence, moi ce que je trouve très intelligent dans Hunger Games, c'est que justement, comme elle est diffusée, et comme elle sert de... La vision de cette violence sert de moyen d'oppression. En fait, les lecteurs ados, ils ont très bien compris à quoi elle servait. Alors, Hunger Games a reçu un très très bon accueil critique, en film comme en livre. Mais il y a néanmoins un aspect de l'adaptation. Il y a des gens, ils n'aiment pas. J'aime pas. Et l'éléphant dans la pièce, c'est bien évidemment Katniss Everdeen. Dans le livre, elle n'est pas blanche. Et ça semble un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire. Mais et dit Chevalier, c'est vrai qu'il y a cette différence qui est juste un détail, mais qui dit tellement de choses sur la situation sociale du district dans lequel elle est, le fait qu'elle ait les cheveux noirs, qu'elle ait le teint mat, avec l'arc, évidemment, c'est dans la région des Appalaches, donc il y a aussi tout ce qui est le passif des Amérindiens qui est évoqué. C'est se priver de ça, c'est aussi passer à côté de quelque chose que Suzanne Collins a mis dans le livre. C'est pas le cœur, c'est pas l'alpha et l'oméga de son histoire, mais ça en fait partie, non? C'est intéressant que vous disiez que c'est un détail, et si ce n'était pas un détail. Mais c'est fait comme si c'était un détail. Vous le dites, on a tout ce qui a été dit est passionnant. C'est vrai que c'est une ludictature, hein, c'est Hunger Games. Il faut s'amuser absolument, regarder, manger bien devant ce spectacle où l'on s'entretue. Et on peut se dire, c'est le régime totalitaire, c'est la télé-réalité poussée à son extrême. Tout ça a été dit et c'est très vrai. Et petit détour peut-être par la servante écarlate. C'est très intéressant de les mettre en regard parce que c'est aussi le rôle de la femme. Hunger Games sans Katniss, ce ne serait pas Hunger Games. On dirait que c'est un truisme, mais pas que. C'est-à-dire qu'on mettrait un héros, ça colorerait de façon tout à fait différente, et on sait bien que la servante écarlate, c'est aussi sur les femmes dévalorisées avec toutes ces classes, ces catégories. Et d'ailleurs, il y a une dimension même de prostitution dans Hunger Games qui est très très présente. C'est-à-dire que Katniss, même si effectivement sa sexualité, c'est pas du tout quelque chose qu'elle met en avant, ou enfin vraiment, elle est là pour autre chose, quoi, et c'est normal, on la comprend, mais elle sait très bien le sort qui pourrait l'attendre, parce que elle a déjà été confrontée à des schémas de prostitution chez d'autres personnes, chez d'autres femmes qu'elle a pu côtoyer. Tout à fait, alors la prostitution elle est double, et après on va revenir sur cette histoire de couleur de peau, parce que vous avez tout à fait raison d'en parler, et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez, alors que ça me paraît crucial. La prostitution elle est double, elle explique à un moment que c'est une possibilité dans son monde de famine, dans son monde de pauvreté absolue, forcément de se prostituer. Il y a le portrait terrible d'un des gardiens de la paix, vous imaginez l'ironie, qui veut donner quelques pièces en échange d'un corps chaud. Donc ça existe, et c'est encore plus sordide. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant, parce que il se passe plein de choses dans Hunger Games, et il y a beaucoup de renversements, il y a beaucoup de travestissements. Ce qui se passe, c'est que la prostitution, elle change de camp dans Hunger Games, si je puis dire. Il existe bien sûr des hommes prostitués dans notre société, bien évidemment, mais c'est pas ce qui vient à l'idée, et au niveau des chiffres, c'est pas le numéro 1. Et là, c'est Finnick O'Dare, qui est une sorte de go-go dancer, Magic Mike, Neptune, Poséidon. Une sorte de gigolo. Exactement, blondinée qui mange des cubes de sucre, et elle reste un peu de glace, Katniss, devant cet homme, et on se rend compte qu'il a été vendu par le président Snow, et c'est très intéressant parce que si on lit bien, et c'est vraiment un livre qui est très bien écrit, et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur qu'est-ce que c'est que bien écrire. Bien sûr qu'il y a les figures de style, bien sûr qu'il y a le souffle, les piques, on sait ce que c'est que la littérature, mais il y a aussi bien écrire d'une façon pragmatique pour les lecteurs, et je pense que Hunger Games, c'est aussi un blockbuster littéraire, un best-seller littéraire pour les gens qui ne lisent pas forcément. Les gens qui vous disent, d'habitude je lis jamais, mais ça j'adore. Pour revenir à la prostitution, c'est très bien écrit parce que on ne saura jamais dans les pronoms utilisés si le corps de cette éphèbe, de cet Apollon ultra sexy, a été vendu à des hommes ou à des femmes. Et c'est vrai que de passer un temps de la narration à dire cet homme sublime a été vendu, un Me Too ultra universel, c'est intéressant. Et pour revenir à la... C'est pour ça que on peut se dire, oh là là, ça part dans tous les sens, mais c'est aussi parce que Hunger Games, sous le couvert de on est dans les dictatures, on est dans ce battle royale de luxe, il y a plein de facettes qui sont construites de façon très méticuleuse, de façon très précise, et vous le dites, est-ce que c'est un détail? Donc elle n'est pas blonde, et elle n'est pas blonde contrairement à sa mère et à sa sœur. Donc déjà, une sorte d'anomalie au niveau de l'ADN, comme si son ADN se rebellait. Je ne suis pas blonde, je ne suis pas blanche. Donc, Susan Collins, qui parle très peu, moi aussi j'aurais été bien embêté de répondre à la question, mais qui est Susan Collins? Je vous aurais dit, elle vit dans le Connecticut avec sa famille, ses deux enfants entourés de chatons adoptés et d'hippocampes. C'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. Je ne comprends pas, mais je l'ai lu sur Wikipédia, donc bien sûr, je le répète. Et donc, c'est forcément vrai. C'est forcément vrai, l'histoire des hippocampes. Et là, elle construit, Susan Collins, quelque chose qui est très précis, dans le sens où elle nous dit, il y a quand même deux, trois petites informations qu'elle nous donne, ça se passe dans le futur, et donc le métissage est passé par là. La société américaine, puisque c'est quand même les États-Unis en ruine, mais les États-Unis, ça nous dit beaucoup, beaucoup de choses des États-Unis. Le Capitole, c'est aussi le siège du pouvoir législatif aux États-Unis, ce n'est pas que Rome. Et donc, il y aura du métissage. Oui, mais pourquoi elle et pourquoi pas les autres? Et donc, c'est vrai que Jennifer Lawrence, elle est extraordinaire. On m'a dit avant de venir à l'émission, surtout, ne dis pas de méchanceté sur Jennifer Lawrence. Les gens ne te pardonneront jamais. Elle est extraordinaire. Et maintenant, on la paye 20 millions de dollars. Laisse-la tranquille. Elle est enceinte en plus, là. Moi, on me l'a pas dit, hein. Moi, elle m'a rien dit de ça, moi. On m'a dit ça. Et donc, j'ai dit, t'inquiète. Mais ce qui se passe, c'est que peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose, mais les logiques d'Hollywood sont différentes des logiques de l'écriture de romans pour jeunes adolescents ou d'écriture de romans tout court, de toute façon. Et c'est vrai que vous parliez de la violence qui a été évacuée. Je rappelle que quand même, Pita perd une jambe. Ce n'est pas dans le film, parce que c'est les cauchemars incroyables qui deviennent des peintures sublimes. On a des croquis préparatoires, mais finalement, tout ça n'est pas dans le film. Et ce qui n'est pas dans le film, c'est une Katniss qui aurait une peau foncée et qui rapprocherait le personnage de Katniss des racines, parce que vraiment, il y a une histoire de racines. Elle s'appelle Katniss. La Katniss, c'est le nom d'une plante. Sagittaire en français. Exactement, tout à fait. Sagittaire ou fléchière, mais pas très utilisée, et qui se mange et qui est associée aux Native Americans. Et donc, ce qui se passe aussi avec Hunger Games, c'est tout ce qui est tué généralement aux États-Unis qui crie. C'est presque, on va dire, tout ce qui est tué généralement aux États-Unis et qui se retrouve crié comme ça. Et donc, là, Jennifer Lawrence, qui est super blanche, qui est extraordinaire, encore une fois, parce que je pense que personne ne pourrait dire qu'elle joue mal. Non, attention, c'est pas du tout... Bien sûr, vous avez tout à fait. Ça n'a rien à voir avec son interprétation. Mais c'est juste sur le personnage de départ, est-ce que ça peut aussi dire... en termes de représentation et aussi en termes de réalité historique. En termes de réalité historique et en termes de racines, d'enracinement culturel aux États-Unis. Si on veut parler des États-Unis, il faut parler des discriminations raciales. Mmh. Sinon, on ne parle pas des États-Unis. Oui. Je crois qu'on le sait aujourd'hui. Et c'est vrai que ça ouvre tout un champ de possible de se dire que Katniss, elle n'est pas comme les autres. Katniss, elle est aussi la représentante de tous ces visages oubliés. Et c'est vrai que la rendre extrêmement blanche, vous parlez de Abernathy tout à l'heure, c'est le nom du bras droit de Martin Luther King. Il y a l'oiseau moqueur, si on s'y intéresse un petit peu, c'est extrêmement chargé culturellement aux États-Unis. Le district 11, d'où vient la petite rue, Rue, qui veut dire la pitié d'ailleurs, aux États-Unis. Encore une petite digression, vous parliez de game, mais c'est très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, parce que game, en anglais, ça veut dire à la fois le jeu, mais ça veut dire le gibier aussi. Oui, donc, exactement, les gibiers humains. Ouais. Oui. Exactement. Et c'est vrai que ce district 11, on nous explique, alors ils sont noirs, ils font des récoltes, ils ont des chapeaux de paille, mais en fait ce qu'ils récoltent, ce n'est pas pour eux, et quand ils ne font pas ça, ils sont fouettés. Bon, bah, j'ai l'impression que la guerre de sécession n'a pas eu lieu. Oui, elle a pas eu donc lieu, c'est vraiment quelque chose sur l'histoire des États-Unis aussi, bien sûr qu'on peut voir le grand spectacle, et c'est intéressant, mais c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que à mon avis, culturellement, idéologiquement, Katniss est encore plus fort que ce qu'on pense. C'est Anne Zerbini. Et puis surtout, le genre de young adulte, il se définit aussi par la grande diversité de ses personnages, avec beaucoup de femmes en héroïne, pas seulement des héros hétérosexuels, blancs ou normés. C'est un genre aussi qui permet beaucoup de liberté dans les corps représentés. Et justement, le fait de voir Hunger Games sacrifier justement le personnage de Katniss en la mettant dans un corps de femme blanche, normée et tout ce qu'on veut, qui correspond aux critères d'Hollywood et non pas aux critères du coup de Suzanne Collins. C'est vrai que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, parce que je pense que ça aurait pu être encore plus puissant, notamment à Hollywood où on sait que c'est hyper difficile encore d'avoir des héros issus de la diversité. Ça aurait pu être aussi une belle première pour sortir un peu de ce schéma du héros qui est un peu le même, Luke Skywalker, Harry Potter, Frodon. J'ai rien contre eux, ils sont très cool, mais c'est un peu le même personnage à chaque fois. Et justement, je trouve que ils auraient pu prendre le pli d'une diversité qui n'ont pas su saisir. Est-ce que c'était trop tôt? Peut-être parce que oui, voilà, c'était voilà, sûrement trop tôt. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait différent. Ils ont choisi, parce que Jennifer Lawrence, avant de faire ce film, elle avait fait un film excellent qui s'appelle Winterspawn. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont décidé que Katniss serait plutôt une redneck, comme Jennifer Lawrence dans Winterspawn, plutôt qu'une native américaine. Et c'est vrai que c'est un choix sacrément discutable, mais bon, qui se comprend pour toutes les raisons qu'on vient de Et puis, elle a bien joué, elle a très bien fait. Elle a très bien fait le job, c'est sûr. C'est vraiment, c'est très intéressant. Ce que tu dis sur la diversité, la liberté en fait du genre young adulte, parce que effectivement c'est à la fois les corps, mais aussi le genre, c'est young adulte. Il y a pas le polar, la science-fiction, tout est mélangé. Et en fait, ce genre littéraire, c'est la liberté, et c'est ce qu'on dit tout le temps avec les auteurs, etc. C'est ça qui est fantastique avec cette littérature là. Seneca, why do you think we have a winner? Pourquoi avons-nous besoin d'un gagnant? What do you mean? Que voulez-vous dire? I mean, je veux dire, why do we have a pourquoi avons-nous besoin d'un gagnant? I mean, if we just wanted to intimidate the districts, why not? Si nous voulions juste intimider les districts, nous pourrions mettre les 24 tribus en rang d'oignon et les exécuter tout de suite. Ce serait plus rapide. Hope. L'espoir. Hope. L'espoir. Hope. L'espoir. It is the only Car c'est la seule chose stronger than plus puissante que la peur. Et si un peu d'espoir est bénéfique, trop d'espoir est dangereux. Une lueur, c'est parfait, tant qu'elle est contrôlée. Alors, contrôlez-la. Donald Sutherland, qui sait être effrayant comme il peut l'être, qui joue le président Snow, est doublé en français par Bernard Tiffen. Et vous avez entendu Wes Bentley, qui joue Seneca Crane, et qui est lui doublé en français par Stéphane Pouplard. Alors justement, on vient d'entendre parler des intrigues politiques de Hunger Games, et on le voit dans cette saga, le Capitole ment au peuple pour le contrôler, mais ce qui est très intéressant aussi, à mon sens, c'est que la Résistance ment également au peuple pour l'amener à se révolter. Et quelque part, est-ce que Suzanne Collins ne nous dit pas qu'une société, de toute façon, ne peut pas se fédérer si il n'y a pas une part de mensonge? C'est tout à fait juste. Il y a quelque chose du mensonge dans les deux camps. Et moi, ce que j'aimerais bien aussi mettre en lumière, c'est qu'effectivement, il y a quand même une facette à la fois dans la saga cinématographique et dans le roman de Suzanne Collins qui rachète, en tout cas pour la saga cinématographique, le manque de courage concernant Katniss Everdeen. C'est la façon dont les aristocrates sont montrés, les aristocrates de Capitole. Là, on y arrive. Tout d'un coup, j'ai eu l'image comme ça avec Donald Sutherland qui vient avec tout son passé d'acteur, qui prend à bras le corps le rôle du personnage de Coriolanus Snow, qui est formidable d'insinuation. Mais il y a aussi dans cette représentation de la caste des aristocrates du Capitole, maquillée, fardée, avec de l'eyeliner, avec des couleurs pimpantes, des barbes taillées de manière improbable, voilà, exactement. Ils ont du sang. Il y a tout ça aussi qui est montré et qui m'a rappelé cette saga en bande dessinée des années 70-80, qui était la saga de l'Incal, dessinée par Moebius, scénarisée par Jodorowsky, qui déjà à l'époque, Jodo avait eu cette idée absolument géniale de pousser les curseurs de l'aristocratie et de l'élite jusqu'à cette espèce de ridicule total, extrême, assumé de ces personnages qui, finalement, n'étaient ni femmes ni hommes, qui adoraient se farder, qui adoraient se maquiller, qui étaient blafards, etc., à la façon de Barry Lyndon, par exemple, de Kubrick, qui aussi se moquait éperdument de cette espèce d'élite. Et ça, quelque part, au moins, sur l'écran, ça rachète c'est effectivement ce manque de courage de n'avoir pas traité Katniss telle qu'elle était dans le roman de Suzanne Collins. Et alors, revenons sur le personnage de Katniss, mais aussi j'aimerais qu'on, avant de revenir sur le personnage de Katniss, j'aimerais qu'on parle de Peeta, qui me semble aussi très intéressant dans l'œuvre, parce que on a le sentiment que autant Katniss, effectivement, elle reste sur la défense de sa famille, de sa sœur, etc. Vraiment, elle ne voit pas la tapisserie globale, comme l'a si bien dit Océane Zerbini. Mais Peeta, lui, c'est quelqu'un qui, dès le départ, comprend les codes de la communication, comprend les codes de la télévision, comprend quelle ficelle il va falloir... Et y a une dimension de véritable stratège et d'individu, mais totalement baigné dans son époque, et qui dit « Ok, je suis l'objet d'un système totalitaire qui m'a servi, mais par contre, je connais les règles, et je vais faire en sorte que de les optimiser. » Et parce que dès le départ, il sait la valeur d'une intrigue amoureuse, par exemple, avec Katniss. Et donc, en fait, tout ça est amené comme si cette sentimentalité, c'était surtout une stratégie pour avoir une saison supplémentaire. Je vais créer un cliffhanger avec Katniss, parce que comme ça, on va avoir des sponsors, etc., etc. Quel est votre point de vue là-dessus? Ah bah, c'est sûr. C'est tout à fait une stratégie. Je sais pas ce que j'en pense, Océane, mais ouais. C'est un personnage très mystérieux, parce que justement c'est lui qui incarne un peu, on a l'impression parfois le sens du sacrifice, enfin même très fortement à plusieurs moments, le stratège, il a tout compris, et c'est lui qui va emmener Katniss, qui n'est pas en fait au départ volontaire pour devenir la leader de la rébellion, c'est lui qui va l'y emmener en fait, hein. Je pense que t'as lu la même... Oui. C'est ça, et puis il y a un sens du romantisme dans ce personnage aussi, qui dès le début, ouais. On réalise qu'il a remarqué Katniss avant qu'elle ne le remarque, ce qui est quand même très romantique. Oui. Ça, c'est ce que tu disais sur les tropes. Mais oui, c'est ce que tu disais sur les tropes de la littérature young adult, quoi. Au début, quand il se voit avec la boulangerie dont on parlait tout à l'heure, c'est effectivement tout de suite, on s'attache à lui et on sent qu'il est brisé, qu'il a envie d'aller contre ce qu'on lui impose, son père notamment, boulanger, et ensuite d'endosser un rôle qui est sans doute trop grand pour lui et donc il va se mettre dans l'ombre de Katniss pour pouvoir endosser ce rôle majeur dans la série et dans la rébellion en général. Ce que je trouve très intéressant, c'est que justement, il manipule les foules, ouais. Avec un faux récit, de la même manière que le Capitole manipule les foules, exactement. Donc c'est vraiment un faux récit contre un faux récit. Un Janus maîtrisé. Et ce qui est amusant, c'est qu'au final, ce faux récit de grossesse, justement, va s'avérer vrai. Ce qui est très drôle, rétrospectivement, c'est qu'il vend une idylle au Capitole qui est censée être fausse, mais qui est en fait vraie et qui va s'avérer être vraie sur la fin. Sans qu'il le sache lui-même, c'est ça. Ouais. C'est vrai que Peeta, c'est un peu Nabila. C'est Nabila. Ouais. Celle-là, je la garde. Elle est magnifique. C'est Nabila dans le sens où il y a une honnêteté fictive. C'est-à-dire que je vais tout donner, je vais donner mes tripes, mais en même temps, c'est moi qui vais choisir quand, comment et avec quelle tonalité. Et voilà, vous avez mes tripes, mais on peut peut-être la refaire là, non? Oui. Et c'est ça qui se passe, c'est qu'il est très habile dans son utilisation des talk-shows. Vous l'avez dit, avec j'ai besoin d'une histoire. Il serait parfait dans Les Anges de la réalité, Peeta. J'ai besoin d'une petite copine. J'ai besoin qu'on existe. Mais en même temps, il y a aussi quelque chose qui n'est pas toujours fin, parce que sinon ça ne tient pas. Donc c'est vrai que c'est un équilibre très intéressant avec la télé-réalité. Et c'est vrai que je reviens toujours au livre parce que le livre, j'ai été obligé de le disséquer. Vraiment, ça m'a passionné, parce que c'est vraiment, encore une fois, très bien écrit et très, très riche. Et il y a cette expression qui s'appelle, qui est comportement télévisé. C'est Effie Trinket qui dit, il va falloir que tu travailles, Katniss, sur ton comportement télévisé. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même comportement quand on est télévisé. C'est-à-dire qu'on doit s'apprendre. Ce que les médias appellent un bon client ou une bonne cliente. Exactement. De personne, on devient persona, le masque de théâtre. Le masque, ouais, le Janus. Et ça c'est très intéressant aussi. Et alors, ce qui me perturbe dans cette histoire, c'est que effectivement, il y a cette histoire d'amour qui arrive, et notamment le mariage, la maternité, et l'amour, on a l'impression que dans Hunger Games, c'est vraiment... C'est pas quelque chose qui est le fruit de véritables sentiments, mais plus un marqueur de conditions sociales. C'est-à-dire que on pourra se marier et faire des gosses, mais quand on quand la, notre situation sociale le permettra. Et tant et si bien que... alors là, on fait évidemment un gros spoil par rapport à la fin. Si jamais vous... voilà, si jamais vous, vous avez deux minutes, voilà, éteignez, et vous reprendrez plus tard. Voilà. Katniss termine avec des enfants, les enfants de Peeta également, mais on a... Enfin, j'ai jamais eu le sentiment que c'était véritablement quelque chose qu'elle voulait. C'était plus, on a plus le sentiment que c'est quelque chose. Bon, bah voilà, c'est dans l'ordre des choses. Maintenant, ça va mieux, donc je fais des enfants. Et c'est pour ça que cette idée d'icône féministe qu'on a souvent plaquée sur Katniss Everdeen, elle me semble toujours un petit peu ambiguë à ce niveau-là, parce qu'il y a quelque chose de très très normative dans alors qu'elle a été chasseresse, qu'on l'a vu avec son arc sauver la vie de plein de gens, être leader de la résistance, au final elle est dans un champ, elle s'occupe des gosses. Oui bah c'est tout le paradoxe, c'est qu'à la fois on peut vouloir mener une révolution et avoir des enfants, après effectivement dans les livres on a l'impression que c'est plus une relation de sororité avec sa sœur qui la porte plutôt qu'une relation de maternité. Et d'ailleurs je trouve que le... Gros spoiler encore, mais je trouve justement que le décès de sa sœur à la fin, c'est extrêmement important aussi pour le personnage, que c'est vraiment, c'est probablement la chose la plus violente qui puisse lui arriver, puisque elle a commencé à entrer dans les Hunger Games justement pour protéger sa sœur. Et en fait, plus le temps passe et plus je me dis que ses enfants sont une manière pour elle d'avoir quelque chose un peu de Primrose encore et de Rue. Et de Rue sans doute aussi. Ouais. Les deux plus jeunes qu'elle a essayé de protéger plus ou moins, enfin très fort pour Primrose, et qui sont là avec elle. Et en fait, c'est à mon avis, ses enfants sont un souvenir de tout ce qu'elle a vécu. Et je trouve, moi, la fin, je trouve pas que c'est une belle fin. Enfin, je trouve très très très douce amère en fait. Très douce amère, mais pas dans le sens que vous disiez sur le côté, elle revient à une sorte de vie classique de femme qui élève des enfants et qui travaille au champ. Moi, je trouve que plutôt, elle reste complètement brisée par ce qui s'est passé. Et les enfants sont ses souvenirs et elle est prostrée. Et en fait, comme sa mère. Comme sa mère, oui. Exactement. C'est une histoire qui se répète, j'ai l'impression. C'est surtout ça. Ouais, c'est une souffrance infinie. Il l'explique bien, elle l'explique bien elle-même dans le roman à la fin. Elle dit, j'ai attendu 5 ans, 10 ans, 15 ans avant d'accepter, de dire... D'accord, je ferai des enfants parce que c'était une sorte de promesse qui revenait dans les livres aussi. Je ne ferai pas d'enfants parce que je ne veux pas faire subir ça à mes enfants, c'est pas possible. Et vous dites, ça va mieux, mais pas tant que ça. Ce happy end, est-ce que c'est vraiment un happy end dans le sens où on a des enfants, on se marie, donc la formule est respectée, mais elle dit que quand elle a su qu'elle allait être enceinte, c'était la terreur la plus absolue parce que qu'est-ce qui va se passer? Bon, normalement, il n'y a plus de Hunger Games, mais l'histoire a tendance à se répéter. On peut peut-être critiquer le dernier film. Déjà, on a 3 livres, on a 4 films. Est-ce que le dernier film n'était pas superflu? Réponse oui. Mais tout le monde choisira. Et surtout, c'est aussi en termes de production, il y a eu un drame majeur qui est la disparition de Philip Seymour Hoffman, qui tenait qui était pour beaucoup dans l'intérêt aussi de la résistance. Et je pense que en tant que spectateur, moi j'ai senti une production en galère avec la disparition de ce personnage. Aussi parce que on fait 2 films au lieu d'un livre, parce que il faut pas se mentir, on veut beaucoup plus d'argent. C'est des centaines de millions de dollars, toute la franchise, c'est 3 milliards de dollars. Et c'est vrai qu'on peut se demander, cette dernière, toute dernière scène, est-ce que c'est pas une puberta? On court dans l'herbe, on a des enfants. C'est vrai que c'est la petite maison dans la prairie. On le ressent pas dans le livre. C'est uniquement, bien sûr, là je parlais uniquement du film, alors que dans le livre, c'est bien clair, il y a un épilogue où on nous dit, en fait, j'ai la peur au ventre de ce qui va se passer, et bien sûr, quand je les prends dans mes bras, je sens de l'amour absolu, mais je suis brisée, elle a quand même perdu déjà son père, sa petite sœur, ce n'est pas un happy end. Oui, il faut se dire que tant en littérature qu'au cinéma, je pense que le vrai tabou aussi des adolescents, des young adults, réside dans le fait de traiter vraiment des sentiments amoureux, de rentrer dans une vraie sexualité. Je pense que la fin de la saga est plutôt quelque chose qui relève de l'honnêteté fictive, pour reprendre cette expression que je trouve excellente, parce qu'effectivement, la fin de la saga rejoint... Il y a une belle amitié qui est en train de se créer. Le conte de fées. Je vous adore. Non, mais c'est bien l'honnêteté fictive, je trouve ça est tout à fait juste. On rejoint le conte de fées, donc c'est l'image d'Épinal qu'on a qu'on imprime sur la fin de la saga est quelque chose donc de normatif pour les ados. Donc on part à côté on dévie du tabou. Donc on n'en parle pas vraiment, on n'aborde pas vraiment la sexualité, on n'aborde pas vraiment l'amour. Vous vous en fichez, en fait, puisque vous êtes en train de vous construire. Vous le ferez dans la vraie vie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de Battle Royale, et il y a un élément qui est très très différent dans Battle Royale de Hunger Games, c'est la sexualité. Et là, je ne parle même pas du film Battle Royale, je parle du manga Battle Royale, où effectivement, des adolescents plongés dans un univers où ils doivent se massacrer les uns les autres, on est vraiment dans les pulsions Eros et Thanatos. C'est-à-dire, puisqu'on n'a qu'un jour à vivre, on va baiser aussi. Et voilà, je le dis crûment, mais fait, il y a quelque chose dans Hunger Games qui est toujours un peu paradoxal, où on voit des corps meurtris par des flèches, des guêpes, des animaux mutants s'éventrer de devant nous, mais par contre, au niveau de la sexualité, on est vraiment super calme. Ça dit beaucoup des États-Unis aussi, où on peut sortir avec des flingues, mais par contre, voir un téton, c'est l'enfer sur Terre. Donc, à mon avis, c'est aussi en ça que le Hunger Games, ou ce genre de film en tout cas, est vraiment très américain. C'est que oui, on peut avoir des armes partout, on peut montrer de l'ultra-violence, mais par contre, la sexualité, qui est pourtant très présente, mais il faut pas la montrer à l'écran, jamais. Parce que là, je vous pose la question, mais on est d'accord que des adolescents plongés dans ce genre de situation, très vite, ça devient euphoria, quoi. Ouais, alors, après, Katniss, elle a ce côté, j'ai pas le temps. Elle le dit souvent. Et d'ailleurs, c'est marrant, on parlait d'un triangle amoureux depuis tout à l'heure, on n'a jamais mentionné Gale. Oui, tout à fait. Une seule fois. Ouais. Et en même temps, vu le personnage, est-ce que ça en vaut la peine? Mais non, ça en vaut pas. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que juste, il a été créé pour ça, pour être un peu neutre. Pour pimenter le triangle. Pas pour créer le triangle. Mais en fait, comme elle joue avec tous les codes. C'est aussi idéologique pour Gale, qui est beaucoup plus radicalisé dans la rébellion par rapport à Katniss et à Peeta. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, chez Gale, au-delà de sa romance, entre guillemets, avec Katniss, c'est la manière dont il incarne des idéaux beaucoup plus radicaux et qui est fermé à tout dialogue d'une personne qui n'est pas d'accord avec lui. Je trouve que c'est un des personnages les plus réalistes, en fin de compte, de l'histoire, parce que c'est vrai que dans des révolutions, on se doute qu'il y aura ce type de personne qui est tellement pas aveuglé, mais qui veut tellement bien faire qu'il va accepter aucun compromis. Et justement, le fait que Gale, son absence de compromis mène à la tragédie sur la fin avec Primrose. Mais justement, je trouve ça très intéressant de voir qu'il passe vraiment du meilleur ami, un petit peu très trop bien dans la fiction, à un personnage qu'on ne reconnaît plus par rapport au premier et qui a une évolution très, très brutale. En fait, on a l'impression que lui a vécu un autre film qu'on nous a pas montré, mais qu'il a vécu l'histoire. Après, il se fait torturer au début de Catching Fire et on voit à quel point ça l'a traumatisé. Donc ça joue aussi un rôle. Oui, c'est ça, c'est l'armée des ombres. Voilà. Non, mais il a vraiment vécu autre chose, c'est sûr, Gale. Mais je pense que c'est aussi, il est là parce qu'elle joue avec tous les codes des gens dont tu parlais tout à l'heure. Et on a la fin un peu conte de fées. On a le triangle amoureux qui, en fait, qu'elle casse un peu. Elle s'est amusée avec tous ces codes, Suzanne Collins aussi. Ça lui a servi à construire tout l'ensemble. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission consacrée à Hunger Games. J'espère qu'on a donné envie aux auditeurs de relire les livres, ou à défaut, de regarder les films. Mais vous pouvez faire l'impasse sur le quatrième. voilà, comme ça c'est fait. Et Océane Zerbini, Eddie Chevalier, Xavier Dalmeida, Olivier Delcroix, merci. Vous étiez merveilleux, c'était un plaisir. J'étais l'auditeur le mieux placé là. C'était un plaisir de vous écouter. Ce blockbuster a été réalisé par Céline Hila. Elle a été préparée par Emma Ferret et aujourd'hui à la technique Thomas Langlin et Adèle Caglar. Vous pouvez nous laisser un message. C'est important de laisser des messages parce que quand il n'y a pas de répondeur dans Blockbuster, c'est pas qu'on veut pas, c'est parce qu'il n'y a pas de message. Donc il faut laisser des messages au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Et le prochain blockbuster sera consacré à Wolverine. If you cannot contain Katniss Everdeen, si vous n'arrivez pas à contrôler Katniss Everdeen, then I will have to terminate. Je serai dans l'obligation de la supprimer. Oui, j'entends bien. And not just her. Et il n'y aura pas qu'elle. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.